50. La copie privée, le libre accès contre la rémunération. Lu par Justine Mizot. La copie privée, le libre accès contre la rémunération. L'impôt n'est pas le seul dispositif de financement mutualisé de l'immatériel. L'exemple français de la copie privée fournit une autre piste particulièrement féconde. Légale depuis la loi sur le droit d'auteur de 1957, elle permet de copier librement ses œuvres pour son propre usage. En 1985, elle a été complétée par un astucieux levier de financement. Sous forme d'une relance prélevée sur les supports servant à la copie, initié avec les cassettes audio et VHS, ce prélèvement a été étendu aux CD et DVD vierges, aux disques durs portables et aux disquettes. En 2002, c'est plus de 138 millions d'euros qui ont été ainsi collectés. Il ne s'agit pas d'une taxe au sens fiscal du terme, son produit n'étant pas versé au budget de l'État mais à des organismes de gestion collective des ayants droit. Mais il s'agit bien d'un financement mutualisé. Tous les acheteurs de cassettes audio ou de CD vierges la paient, qu'ils copient des œuvres ou non. Ce principe a souvent servi d'argument à ses détracteurs. Ce fut le cas en janvier 2001 quand il fut question de taxer les disques durs d'ordinateur. La proposition a bien sûr déclenché une bronca du côté des fabricants de matériel électronique opposés à l'idée de renchérir le prix de leurs produits, même de quelques euros. Mais surtout, cette nouvelle taxe a suscité l'opposition de groupes de consommateurs, associations établies comme l'UFC Que Choisir ou informelles comme le collectif Vachalet. La raison étant l'injustice supposée du prélèvement appliqué de façon uniforme à tous les possesseurs d'ordinateurs, que leurs disques durs soient gavés de fichiers MP3 ou remplis de tableaux de comptes familiaux. Cette opposition de principe est une erreur absolue. Les adversaires de la rémunération oublient qu'elle est le fruit d'un compromis entre les ayants droit et la société. Le libre accès contre un prélèvement. En s'y attaquant, les consommateurs arment les adversaires de la copie. Les fabricants d'électronique, épaulés par des géants du logiciel et des producteurs, l'ont bien compris. Ils ne cessent de faire du lobbying auprès des gouvernements pour supprimer la notion de copie privée, en arguant qu'elle n'a plus de raison d'être, puisque la technologie permet désormais d'envisager la prohibition de toute reproduction sauvage. Les bénéfices de la copie privée et des revenus associés sont immenses, tout à la fois pour la société en général, comme pour la création en particulier. Couplé à l'accès aisé aux œuvres dans les bibliothèques et les discothèques publiques, ce mécanisme facilite l'accès à la connaissance et à la culture de tous ceux que le marché exclut ou rationne. Les ayants droit bénéficient d'un revenu non négligeable, et la loi prévoit qu'un quart des sommes collectées soit affectée au spectacle vivant, aux festivals, aux concerts et à la formation des artistes. Il serait absurde, pour autant, d'idéaliser le dispositif tel qu'il existe. Tout d'abord, comme tout prélèvement, l'argent encaissé pose des difficultés de répartition. Celle-ci a été confiée aux organismes de gestion collective des titulaires de droits, comme la CSM, qui s'occupe des auteurs et éditeurs de musique. La légitimité de leur travail est toujours sujette à caution. La répartition de la manne elle-même entérine les hiérarchies d'audience. Les gros vendeurs touchent bien plus que les artistes indépendants. Surtout, les sociétés de gestion collective ont tendance à se focaliser sur les revenus et à laisser en friche la contrepartie du libre accès. Hargneuses quand il s'agit de réclamer l'augmentation du montant des prélèvements ou l'extension de ceux-ci à de nouveaux supports, elles se font très discrètes lorsque les adversaires du libre accès montent au créneau. La conséquence de cette hypocrisie ? La notion même de copie privée demeure très floue dans l'esprit du public. Un brouillage entretenu à dessein par les plus acharnés de ses opposants. Le patron d'Universal Music, Pascal Nègre, a ainsi prétendu qu'elle ne pouvait s'entendre que dans le cas des copies analogiques, forcément dégradées, et pas dans le cas des clones numériques. Et ce, en dépit de la limpidité de la loi, et même de la réalité technique de la copie, les fichiers MP3 étant d'une qualité inférieure à celle des CD. Moins critiqué, le Centre National du Livre est lui aussi intimement lié à la copie privée. Le CNL, c'est cet organisme gouvernemental qui sert d'appui à l'édition littéraire. Chaque année, il distribue près de 30 millions d'euros à des projets précis, évalués par une commission où siègent auteurs, éditeurs, bibliothécaires et libraires. Traduction de livres étrangers, soutien financier au lancement de nouvelles collections, aide à l'écriture, prêt à taux préférentiel, le Centre national du livre n'est pas financé par l'impôt. Son budget est abondé à hauteur des deux tiers par une taxe sur la vente de photocopieurs et des scanners. Le reste provient essentiellement d'une taxe sur le chiffre d'affaires des éditeurs les plus importants. Le principe vertueux du libre accès finance la nouvelle création. La circulation libre des œuvres d'aujourd'hui, grâce à la photocopieuse, finance les œuvres de demain. Il est aujourd'hui crucial de réaffirmer la pertinence du principe même de la copie privée, qui n'est pas franco-français puisqu'on le retrouve sous une forme ou une autre au Canada ou en Allemagne. Ce modèle pourrait aujourd'hui être étendu au système d'échange de fichiers peer-to-peer pour le bénéfice de tous. Certains chercheurs, comme le professeur de droit américain William Fisher, ont déjà penché sur des modèles de revenus fondés sur un prélèvement sur les abonnements à Internet à haut débit. La conclusion ? C'est envisageable sans assécher les revenus des auteurs. Et l'on peut déjà parier que les industries culturelles sauront imaginer de nouveaux services payants de distribution que le public appréciera aussi et qui sauront trouver leur place à côté de la circulation libre des œuvres sur le peer-to-peer, tout comme les éditeurs parviennent à vendre des livres en librairie alors qu'existent aussi des bibliothèques où l'on peut emprunter à satiété. Coopération et libre accès d'un côté, concurrence sur les services de l'autre, cela afin d'atteindre le meilleur équilibre entre la libre circulation et le respect des créateurs. Avancer dans cette direction ne se fera pas sans heurts ni difficultés. Quoi qu'il en soit, les coûts sociaux de la mise aux hégémonies de la copie engagés ces dernières années et les bénéfices du libre accès justifient largement d'expérimenter de telles pistes.